Chapitre 14e, jour de folie. Ce lundi-là, à 10h, les amis de la Constitution, devant la gravité de la situation, se déclarèrent en session permanente. L'ordre du jour consistait à examiner les lettres et papiers que l'on avait saisis sur Pascalis et chez lui. Poussé par une malsaine morbidité, bien que désormais sceptique sur le rôle des clubs, Anicet était venu assister à cette curée. On ne découvrait rien de probant pour accréditer la thèse du complot, alors qu'on espérait trouver une correspondance avec des princes émigrés, rien. Il n'y avait rien qui pût faire condamner Pascalis de façon imminente, et la Bérive, prévenue, n'en décolorait pas. Il voulait leur tête à tous et il l'aurait. On réussit tout de même à dresser une liste des amis et sympathisants de Pascalis et de la contre-révolution. Soudain, un des membres agrippa Anicet par le bras et l'attira à lui. « Dis-moi, citoyen, ne faisais-tu pas partie de l'équipe sauvage qui voulait s'attribuer l'arrestation de Pascalis ? Il me semble bien que tu étais avec Béranger, je me trompe ?» Il était évident que l'homme n'aurait posé la question s'il n'avait pas été sûr de la réponse. Anicet choisit de ne pas nier sa présence, essayant de minimiser l'affaire tout en déchargeant également Béranger. « Nous n'avons pas voulu nous attribuer, comme tu le prétends, à l'arrestation de Pascalis. Et pourtant, nous l'avons bien pris au gîte, pour de bon. Mais en fait, il y a eu un malentendu. Si nous avions su que vous aviez vous aussi projeté ce coup, nous nous serions joints à vous. De toute façon, les résultats là, et n'est-ce pas l'important ?»« De Ségur, citoyen. Mais j'ai trouvé cette initiative pour le moins bizarre. Béranger aura des comptes à rendre, c'est sûr. Quelle affaire ? Sais-tu qu'on a découvert deux cadavres, un le long d'une haie et l'autre au bord de la torse, la tête fracassée ? Ah, je ne savais pas, mentit Anicet d'un air innocent. Bah, pourtant je crois bien que c'était les hommes qui devaient récupérer la charrette, insinua. Mais ils étaient déjà sous depuis un moment alors, il est possible qu'ils se soient battus. Anicet ne répondit pas, laissant planer le doute, si l'on peut dire. Il pensait bien que le clubiste avait personnellement une certitude à ce sujet. Vu d'un autre angle, cette arrestation pouvait en effet passer pour un sauvetage et non pour une prise de corps. Il chercha Béranger sans le trouver. Pour l'heure, Anicet jugea donc plus prudent de regagner son atelier. Tout en marchant, il estima que Béranger, habitant le faubourg, et de plus Charron, pouvait facilement se mettre à l'abri en attelant une voiture pour prendre la poudre d'escampette en cas de danger. Le régiment des Suisses d'Ernest arriva finalement vers 2h dans Aix, suivi d'un important amas de renégats de tous bords. Cette troupe avait grossi au fur et à mesure des kilomètres. Partout résonnaient les cris de « Ça ira » et à la lanterne. « Nous voulons leur tête, justice tout de suite !» Devant ces menaces attisées par les sicaires de Rives, la municipalité, consciente des dangers que couraient les prisonniers dans les cachots de la mairie, décida de les transférer aux prisons des casernes. Là, ils seraient gardés par l'armée et la garde nationale, normalement plus efficaces que les milices patriotes. Corentin et Armand décidèrent de faire partie de l'escorte. Après avoir grignoté chez un commerçant voisin, ils prirent place au milieu de la populace surexcitée. Le déplacement n'était pas sans danger. Les prisonniers furent donc placés au beau milieu de la garde nationale pour plus de sûreté. En tête de cortège marchaient le colonel et le vice-maire Émeric David en personne. Ce dernier escomptait que sa charge lui servirait d'armure. Néanmoins, il fut plus d'une fois bousculé par des brutes étrangères qui ne connaissaient pas sa fonction. Tant bien que mal, on parvint à franchir la rue Saint-Jean, la porte d'Italie et le cours Sainte-Anne pour pénétrer enfin dans les casernes. Aussitôt, on enferma Pascalis et de la Roquette. Mais il fallait à cette meute d'enragés de l'action, des coups d'éclat, du sensationnel. Dans ce domaine, chacun surenchérissait sur son voisin. La bande s'empara de 4 canons de campagne laissés dans la cour. 2 de ces pièces furent chargées, sous les yeux impuissants de toute la soldatesque présente. Puis on les traîna en bas du cours pour, soi-disant, repousser l'ennemi qui tenterait d'attaquer la ville en venant de Marseille. « C'est la chienlit, » déclara Corentin à sa compagne. « La municipalité ne contrôle plus rien. » « C'est vrai, c'est l'anarchie complète, chacun fait ce qu'il veut. Bien, Corentin, rentrons, » dit Armande. « Tout cela ne me dit rien qui vaille. Je commence à avoir peur ici. Je n'aurais jamais cru que les gens fussent si brutaux, si sanguinaires. On dirait que la mort leur fait plaisir. Si je savais où aller, je te jure, je quitterais Aix. « Sans moi, tu me laisserais ?»« Mais non, bestias, » dit-elle en le serrant contre elle. « Avec toi, j'irai n'importe où. Allez, viens, j'ai peur, je te dis. » En revenant des casernes, rue Saint-Jean, Corentin entendit de Commer raconter que Guiramant et 6 officiers du Lyonnais venaient d'être arrêtés sur la requête de l'accusateur public. Armande n'avait rien entendu et pour ne pas l'inquiéter, Corentin ne lui dit rien. Intérieurement, il ne donna pas cher de leur tête. Il en voulait surtout à Guiramant, sans qui rien ne serait peut-être arrivé. Place des prêcheurs, ils rencontrèrent Anicet, de retour de la chapelle Bourbon. Ils s'embrassèrent comme s'ils s'étaient quittés depuis de longs mois. « Ah, mon pauvre !» se lamenta Anicet. « M'en parle pas !» repartit Corentin. « Nous aurions dû rester ensemble, tous les quatre. Nous en avons à te raconter. Et nous donc ?»« Mais ce n'est rien de bon ni de bien. Allez, venez, j'ai hâte de retrouver Manon. » Les trois amis pressèrent le pas, tant pour retrouver les êtres aimés que pour se mettre à l'abri, au calme, à l'écart de toute cette agitation pleine de germes mortifères. Ils se retrouvèrent chez Anicet car son logement, situé en continuation de l'atelier, était plus facile d'accès. Les trois amis purent constater que la bande comptait désormais 7 membres. Les deux couples, Jeanne, la sœur Sainte-Cécile que l'on appelait maintenant Angèle, et Hyacinthe, venus partager les nouvelles. Ils s'assirent en cercle comme ils purent, car Anicet n'avait pas suffisamment de chaises. Ils restèrent silencieux un moment en échangeant des regards. Hyacinthe n'était au courant de rien. « Qu'est-ce que vous avez tous ? Vous allez me laisser longtemps dans l'ignorance ? D'abord, qui est cette citoyenne ? » demanda-t-il en montrant la sœur. « C'est ma sœur, » répondit spontanément Jeanne. « Oui, tu comprends, de par chez elle, du côté de Manosque. Les révolutionnaires ont saccagé le château où elle travaillait, si bien qu'elle n'a plus ni maison ni travail. Alors, elle a eu la bonne idée de venir chez sa sœur qui va s'occuper d'elle. « Pas vrai, ma belle ?»« Ah, fit Hyacinthe, tu es de Manosque, Jeanne. Je ne t'ai pas dit ça. Et puis qu'est-ce que ça peut te faire d'où je suis ?»« C'était comme ça, pour savoir, » répondit gauchement Hyacinthe. « En tout cas, tu as une bien jolie sœur, Jeanne. » Jeanne s'assombrit. Il ne manquait plus que Hyacinthe s'amouracha d'Angèle. Ça n'aurait pas du tout fait ses affaires. « Oublie ma sœur, tu veux, elle ne sait pas où est passé son mari. » À part Hyacinthe, les autres étaient bouche bée. « Ah, c'est Jeanne. » Elle était beaucoup plus intelligente qu'on ne croyait. Dans le fond, ça leur faisait plaisir et ils étaient désormais heureux de la compter comme amie. Angèle eut un fin sourire et posa sa main sur celle de Jeanne en signe de remerciement et de félicitation pour ce pieux mensonge. Ce n'était pas qu'on se défiât de Hyacinthe, mais pour certaines choses, moins on en sait, mieux ça vaut. Néanmoins, Anicet fut obligé de compter aux autres leur rôle dans l'expédition des Pinchina. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? « C'est pour ça que tu as disparu comme un voleur ? Tu crois que je n'étais pas capable d'y participer ?» s'offusqua Corentin. « Si, mais tu t'es blessé, et je craignais que tu ne supportes pas le déplacement, en pleine nuit en plus. »« Ah, bourrique, et Manon, elle pouvait le supporter, peut-être, le déplacement ? Tu es complètement irresponsable, Anicet. »« Je ne voulais pas amener Manon, mais elle ne m'a pas laissé le choix. »« Ah, c'est vrai qu'elle est testarde, » reconnut Corentin. Hyacinthe s'agitait sur sa chaise depuis un moment. Il finit par exploser. « Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? » s'écria-t-il. « Mais quelle bande de minots vous faites ! Qu'aviez-vous besoin d'aller vous fourrer dans une merdasse pareille ? Et qui va-t-il falloir que j'aille voir ce coup-ci pour vous tirer d'affaire ? Vous êtes des totis !» Bien qu'il sût que ça allait inquiéter Manon, Anicet raconta la remarque faite par un clubiste au sujet de Béranger et de la découverte des cadavres. Manon blêmit légèrement et baissa la tête. L'un des corps était sa victime, mais aucun des deux amants ne révéla comment ces hommes étaient morts. « C'est vrai qu'on aurait pu penser qu'on était venu le sauver, » remarqua-t-elle. « Nous aurions dû l'attacher au moins, si on avait su. »« Ah, si, si, avec des si. On l'a fait, c'est inutile d'y revenir, » rétorqua Anicet. « Mais quel but ?» poursuivait Béranger. « Il te l'a dit au moins ?» demanda Corentin. Il craignait qu'on égorgeât Pascalis comme un mouton. Il m'a dit que de tels excès finiraient par nous discréditer. » Et retournerait l'opinion en faveur des royalistes. Il voulait que l'arrestation se passe proprement et nous avons réussi. Mais c'était sans compter avec les bouchers de rive. Si on nous cherche noises, la seule chose qui puisse nous sauver, c'est le témoignage du majordome qui prouvera que nous avons bien arrêté son maître, termina Anicet. Et aussi Pascalis lui-même, ajouta Armande. Si tant est qu'il ait toujours sa tête sur les épaules. Si on a besoin de son témoignage, rétorqua Anicet, sarcastique. « Alors qu'il est Baptiste, le majordome est peut-être déjà à Patresse. » Pour détendre l'atmosphère, Manon proposa une tisane de thym. Ça ne coûtait rien et c'était salutaire. À leur tour, Corentin et Armande racontèrent ce qu'ils avaient vécu dans la cour de la mairie. Il en résulta un sentiment de profond malaise qui laissa à chacun un goût amer. Angèle ne put retenir ses sanglots, ce récit remuant toutes ses affres passées. Jeanne la prit dans ses bras. « Ne pleure pas, sœur Ed, c'est fini, ça va aller mieux. » Ils étaient bien, là, loin des cris. Et pourtant, secrètement, chacun brûlait d'envie de se précipiter place de l'hôtel de ville pour vivre la suite de l'histoire. Soudain, Corentin repensa à l'accident de voiture d'Émeric David. Anissa avait accepté de témoigner, mais personne depuis n'était venu lui demander de reconnaître des coupables. Il s'en ouvrit aux autres. « Tu parles !» s'écria Anissa. « Les Lyonnais sont sur le départ. Les coupables vont être noyés dans la masse. Ils font partie des bagages, » ironisa-t-il. « Et de toute façon, je traîne suffisamment de casseroles. Il vaut mieux que j'évite de me faire des ennemis supplémentaires. »« Tu l'as dit, » appuya Hyacinthe. Il faudrait déjà que les autorités mettent la main sur les 6 qui étaient au cercle Guyon et contre qui un mandat d'arrêt a été délivré. La voiture du vice-maire, ça n'intéresse plus personne désormais. » Quand le broc de tisane fut terminé, les amis se séparèrent car Manon n'avait pas suffisamment de quoi manger pour tout le monde. Les poules qu'elle nourrissait au grenier, comme beaucoup de gens dans le quartier, n'avaient pondu que 4 œufs. Chaque couple regagna donc ses pénates. Jeanne emmena Angèle et Hyacinthe décida d'aller prendre l'air avant d'aller se coucher. Sur la place de l'hôtel de ville, Hyacinthe rencontra son cousin qui sortait de la mairie. Les cheveux défaits tombant sur les épaules, l'air pressé, il marchait à grandes enjambées nerveuses. Comprenant qu'il ne s'arrêterait pas pour lui parler, Hyacinthe lui emboîta le pas pour l'interroger. « Oh, cousin, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait une vieille avec tes cheveux en l'air. Il y a le feu à la prison. » Le cousin de Hyacinthe était en effet le gardien des prisons aux casernes du cours Sainte-Anne. « Ah, je suis en pétard. Je viens de demander du renfort au conseil municipal, » dit-il, haletant. « On m'avait averti qu'il y avait un complot pour attaquer la prison et enlever Pascalis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à moi tout seul? Ils m'ont promis de renforcer la garde des nationaux, mais je ne sais pas si ça suffira. En partant, j'ai déjà vu des énergumènes qui rôdaient autour de la caserne. Si ça se trouve, en rentrant, je vais trouver Pascalis égorgé dans ma cuisine. » « Mais comment c'est possible, ça ? » demanda Hyacinthe en trottinant aux côtés de son cousin. « Tu habites tout de même une caserne et une prison, ce n'est pas un boulevard. »« Ah oh, pauvre ! Il y a du monde partout, autour des casernes, on se croirait en plein midi. Quand tu te rends compte que je suis entouré de 400 hommes de troupes et que je suis obligé de venir demander du renfort, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. » De toute évidence, le cousin de Hyacinthe avait l'habitude de mener une vie rangée et bien réglée, sans surprise ni ambiguïté. Cette nouvelle responsabilité lui était tombée sur la tête comme un pavé. « Ne t'inquiète pas, cousin. Les soldats te protégeront. Ils sont armés et ils ont l'habitude de se battre. »« Ouais, mais encore faudra-t-il qu'ils en aient envie, Hyacinthe. » »« Le vrai problème est là. Pascalis les embête plus vivants que morts. Une fois décollé, il ne gênera plus personne, c'est sûr. » Hyacinthe se retint de rétorquer à son cousin que pour lui aussi, la disparition de son prisonnier aurait été la fin des soucis. Quant aux édiles, ah, ils sont forts pour porter l'écharpe. Mais pour prendre des responsabilités, là, il n'y a plus personne. J'en ai assez, cousin, de cette besogne, je te le dis. Hyacinthe n'avait plus sommeil. Autant par curiosité que par solidarité, il accompagna son cousin jusqu'au cours Sainte-Anne. Effectivement, alors qu'il était plus de 10 heures du soir, il y avait rue Saint-Jean et autour des casernes autant de monde qu'en plein jour, comme à l'approche d'une grande manifestation. Sans être grand expert en la matière, Hyacinthe vit que non seulement un flot continu de gens se dirigeait vers les casernes, mais que la plupart d'entre eux, presque tous armés, devaient être des Marseillais qui avaient suivi les troupes. Son cousin le fit entrer chez lui. « À deux, on est plus fort, Hyacinthe, » finit-il par lui dire dans un sourire. « Alors, tu as vu ? On est au beau milieu d'un champ de foire. » « Ou de manœuvre, » repartit Hyacinthe. Corentin réussit à oublier ses soucis pour faire l'amour à Armande. Moment de bonheur partagé, mais, les mois dissipés, ses idées noires revinrent encore plus prégnantes. Armande avait sombré dans un sommeil lourd tandis qu'il tournait et retournait sur sa couche sans même parvenir à fermer l'œil. Finalement, n'y tenant plus, il se leva, s'habilla à la hâte et décida d'aller faire le tour du quartier histoire de s'aérer la cervelle. Il prit la précaution de s'entourer la tête d'une écharpe comme s'il souffrait d'une otite et enfonça son chapeau par-dessus. Ainsi, il était moins reconnaissable avec sa crinière fauve. L'atmosphère étant ce soir électrique, il se munit d'une forte canne de noyer qu'il avait fabriquée lui-même. D'un diamètre d'un bon pouce et longue de 3/4 de toise, elle possédait un secret. Dans sa partie supérieure, la canne était creuse. Le haut pouvait se démonter et une lame de 5 pouces y était fixée. Ce poignard pouvait être remanché à l'envers et la canne devenait alors redoutable. Ces sortes d'armes telles que les piques et les bâtons étaient bien plus dangereuses que des épées pour qui savait les manier. Elles étaient très prisées du peuple. Corentin descendit la rue Saint-Laurent et enfila la rue des Quarts d'Heure. Au loin, il entendait les chants guerriers des « Ah, ça ira !» sans savoir d'où ils venaient. Passant devant la rue de l'école, il perçut le bruit d'une rixe provenant du milieu de cette rue. Des hommes s'invectivaient et des coups sourds prouvaient que l'on se battait. La rue n'étant pratiquement pas éclairée, Corentin se dit qu'il pouvait toujours risquer un œil, en curieux. À l'endroit de la rixe, au croisement de la rue du Plan, une lanterne était posée à terre et projetait sur les murs les ombres fantasmagoriques des protagonistes. Soudain, dans l'un des jouteurs, Corentin reconnut l'homme qu'il avait importuné devant l'hôtel d'Aiguille avec Armande. Il n'était pas étonnant qu'il fût mêlé à une querelle de mauvais garçons. Corentin se rapprocha et se rencogna dans un petit porche, à l'abri des regards et de la lumière. Chacun des quatre hommes ne faisait pas semblant de frapper, les coups de bâton pleuvaient de rue et avec adresse. Son ennemi reçut un coup à l'épaule qui lui fit crier une bordée d'injures. Sous l'effet de la douleur, il s'écarta de la lutte et recula dans le coin obscur où Corentin était caché. Sans réfléchir, ce dernier asséna sur la tête du bandit un coup de canne à assommer un cheval. Dans l'obscurité, Corentin eut l'impression que l'homme s'effondrait lourdement. Il prit alors le large sans un bruit, à grandes enjambées. Il enfila la rue du Plan, et s'étant engagé dans la rue de la Croix-Jaune, il tendit l'oreille. Il comprit que la lutte continuait. Sans demander son reste, comme un automate, il alla donc jusqu'au bout de la rue Gibelin pour regagner son logis. Pour ne pas réveiller Armande, il se coucha en chemise et pantalon. Son cerveau avait capté trop peu d'images dont il aurait pu se souvenir pour alimenter angoisse et remords. Il ne garda dans ses membres que la vibration du puissant coup de canne dont il doutait d'ailleurs du résultat. Il était sûr toutefois de ne pas avoir frappé dans le vide. Néanmoins, la fatigue finit par lui enlever tout état d'âme. Chez son cousin, Hyacinthe ne dormit guère. Toutes les 5 minutes, il était réveillé par des cris, des chants, des invectives meurtrières. « À mort ! Il faut le pendre ! On aura ta peau, traître !» Des coups sourds étaient frappés sur les murs des casernes. De toute évidence, les militaires sur place n'avaient pas plus réussi à repousser les intrus qu'à les réduire au silence. Hyacinthe ne connaissait pas personnellement Pascalis. Il l'avait simplement croisé dans Aix, comme beaucoup de gens. Pourtant, il n'arrêtait pas de penser à lui. Que devait-il ressentir en entendant tous ces cris de haine à son endroit? Méritait-il autant d'acharnement? Confusément, sans qu'il puisse l'expliquer, Hyacinthe sentait que Pascalis n'était qu'un animal qu'on allait sacrifier sur l'autel de la Révolution pour sanctifier d'une certaine façon les débordements d'une foule en délire. La populace en avait fait le symbole de l'Ancien Régime, alors qu'en réalité il ne représentait pas vraiment la noblesse et la mise en esclavage du peuple. Toutefois, il était le symbole des anciens États de Provence, celui de l'ordre qui avait prévalu pendant plusieurs siècles, celui du Parlement d'Aix, au rythme duquel la Provence avait vécu pendant des décennies. Tout cela était incompatible avec l'avènement d'une république une et indivisible. De fait, au-dessus de toutes ces raisons qu'on pouvait qualifier de politiques et qui étaient inaccessibles à la raison de la meute venue de Marseille, existait la volonté de mettre un point d'orgue à ce que beaucoup considéraient comme une fête, tout comme on brûle le Carmentras à la fin du carnaval. Il fallait une apothéose pour terminer en beauté, un fait mémorable qui resterait dans les esprits. C'était l'abbé Rive qui avait désigné Pascalis à la vindicte populaire, qu'il avait choisi, comme on s'invente une phobie sans trop savoir pourquoi. Pour l'ancien abbé qui était Rive, Pascalis représentait tout ce qu'il abhorrait, tout ce qu'il n'avait pas pu être. Et puis, il fallait rester logique. Puisqu'on criait à la lanterne, on devait suspendre les têtes au réverbère, et avant tout, celle de Pascalis. Un peu avant 8 heures du matin, Hyacinthe voulait rentrer chez lui, mais une multitude de gens encombrait les portes des casernes. Contraint et forcé, il resta donc chez son cousin. Pendant ce temps, les gardes nationaux de Marseille redescendaient le cours pour retourner dans leur ville. Des gens les arrêtèrent en leur disant « Vous êtes dans la mauvaise direction. C'est aux prisons qu'il faut aller. C'est là qu'on a besoin de vous pour punir les traîtres. » Des soldats se débandèrent et suivirent les insurgés aux casernes sans que leur commandant pût les raisonner. C'était jour de marché et de nombreux chalands des villages alentours arrivaient déjà. Jeanne avait décidé d'aller au marché avec Angèle pour lui acheter des vêtements décents. D'heure en heure, son affection pour cette femme se fortifiait. Elle était tellement différente de toutes celles qu'elle avait fréquentées toute sa vie durant. Bien qu'elle eût sensiblement le même âge qu'Angèle, Jeanne s'en sentait responsable comme de l'enfant qu'elle n'avait pas eu. « Vraiment, Jeanne, tu me gênes. Tu sais très bien que je ne pourrai jamais te rembourser. Je peux garder ces vêtements, tu sais. Il suffirait de les laver correctement. »« Dis, pénible. Et tu ne crois pas que je vais m'en sortir avec un sac, même propre. Allez-y, ne discute pas. Et puis ça me fait plaisir, là. » Angèle se laissa convaincre pour ne pas faire de peine à Jeanne. « Mais alors pas des choses chères, hein, sinon je ne les mettrai pas. »« Boudiot, tu es testarde comme une vieille chèvre, mais je vais te ramollir, moi, » ajouta-t-elle en riant. Lorsqu'elles arrivèrent au marché, derrière la halle aux grains, elles s'aperçurent qu'une foule dense était déjà là et qu'elle n'était visiblement pas constituée de chalands, mais plutôt d'agitateurs en attente d'émeutes. Soudain, elles entendirent un mouvement qui provenait de la mairie. « Il se passe du vilain aux prisons des casernes, » glapine Commère. Jeanne et Angèle remarquèrent alors trois officiers municipaux en écharpe, suivis de plusieurs personnes qui les escortaient. « Suivons-les, » décida Jeanne sur un coup de tête. « Je veux savoir ce qui se passe. »« Non, Jeanne, s'il te plaît, » gémit Angèle. « Allez, viens, c'est fini le cloître. Il te faut vivre comme tout le monde maintenant. » Se disant, elle lui prit la main et l'entraîna dans la rue de la boucherie. Elle fut rattrapée par Anissé et Manon. « Hé, vous deux, nous étions à la mairie avec Manon. Émeric David est débordé. On vient de nous avertir que les prisons sont envahies. Vite, vite !» Aucune des trois femmes ne réfléchit pour savoir s'il était judicieux de suivre Anissé. Dans le tumulte, ce dernier leur cria « Prenez-vous par la main, il ne faut pas qu'on se perde dans une telle populace !» Angèle trottinait, regardant de tous côtés. Elle découvrait tellement de choses qu'elle ne connaissait pas, sur la ville, sur les gens, sur ce qu'elle était en train de vivre. Quant à Jeanne, elle serrait fort la main d'Angèle. À elle seule, elle l'aurait défendue contre la ville entière. « Marchez contre les façades, ne restez pas au milieu de la rue !» leur conseilla Anissé. Place des Prêcheurs, ils eurent un peu de mal à enfiler la rue du Pont-Moreau et perdirent de vue les trois conseillers municipaux. Enfin, on parvint cours Sainte-Anne devant les casernes. Le tumulte était à son comble. Les trois émissaires pénétrèrent dans la caserne, mais nos quatre amis ne purent voir ce qui se passa par la suite. Ne réussissant à s'approcher suffisamment près des portes, ils s'assirent par terre en face des casernes et attendirent la suite des événements. Hyacinthe, dans la loge de son cousin, assista à tout le déroulement de l'épisode navrant et put par la suite le raconter à ses amis. Les trois conseillers furent sommés de donner l'ordre de livrer Pascalis, ce qu'ils refusèrent catégoriquement. Assez rapidement, on commença à les molester et les apeurer pour les faire plier. L'un reçut un coup de crosse, un deuxième se vit menacé de la pointe d'un sabre, quant au troisième, une corde lui fut passée autour du cou pour le pendre séance tenante. Hyacinthe, tremblant, horrifié de tant de hargne et de violence, tenta de s'interposer, mais reçut une énorme bugne qui lui enleva toute velléité. Pour se couvrir, le commandant de la place refusait de livrer Pascalis et de la Roquette sans un ordre écrit de la municipalité. La pression exercée sur les trois conseillers s'accentua pour qu'ils signassent cet ordre. Finalement, le geôlier leur présenta un chiffon de papier sur lequel était griffonné « Ordre de livrer Pascalis ».« Vous ne pouvez pas !» gémit Hyacinthe. « Vous n'avez pas le droit !» On ne l'entendit même pas. Son cousin était tellement excédé de cette situation qu'il saisit la main d'un des conseillers et lui fit tracer une vague signature sur le papier. « Signe, nom de Dieu, citoyen, tu veux donc tous nous faire tuer ?» Les deux autres finirent aussi par signer, mais ils rajoutèrent « contraint et forcé », d'une écriture tremblée et gauche. Aussitôt, on porta ce simulacre, car ce n'était rien d'autre, au commandant. La porte des prisons était déjà entamée à la hache. Dès lors, le sort des prisonniers était scellé, puisque tout avait été organisé pour en arriver là. Aussitôt, Pascalis et de la Roquette furent littéralement arrachés de leur prison et traînés au dehors pour, soi-disant, être traduits devant les juges. Anissé, Manon, Jeanne et Angèle comprirent plus qu'ils ne virent, que les prisonniers étaient emmenés en direction de la rue Saint-Jean. Comme à l'aller, ils se préparèrent à emboîter le pas à la foule, ne voulant rien perdre de l'événement. Seule Angèle refusa de se lever. « Allez, Angèle !» lui dit Jeanne en la tirant par la main. « Tu n'as pas resté là, toute seule ?»« Non, je ne veux plus rien voir. Tous ceux-là sont trop méchants !» s'écria-t-elle en désignant la foule. « J'ai déjà l'impression d'être en enfer. Laissez-moi, je ne veux plus vivre dans ce monde-là » Jeanne s'agenouilla et la prit dans ses bras, appuyant la tête d'Angèle contre sa poitrine. « Eh bien, si tu ne veux pas venir, nous allons rester là toutes les deux. Nous partirons quand il n'y aura plus personne, même si nous devons attendre des heures. Moi, je ne te laisse pas au bord de la route comme une pauvresse. Tu perds ton temps avec moi, ma pauvre Jeanne. Bah, rejoindre les autres. Jamais de la vie. Je t'ai trouvé, tu m'es tombé du ciel. Eh bien, maintenant, je te garde, que tu le veuilles ou non. » Et Jeanne s'assit à côté d'Angèle, en lui entourant les épaules de son bras. La foule s'écoula assez rapidement, et le cours Sainte-Anne fut bientôt vide. Les deux femmes se levèrent alors et quittèrent les lieux en se soutenant l'une l'autre.